Il célèbre aujourd'hui son 90e anniversaire de naissance. C'est vraiment un phénomène. Il est encore très vif. C'est M. Jean-Paul Chartrand Senior. Question un peu de savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec, on lui parle. Bonjour, M. Chartrand. Un phénomène. Ah, regarde, 90 ans, là, puis faire ce que vous Attends, faites là, moi, je trouve ça ma extraordinaire. Femme, je vous trouve extraordinaire, 90 ans, M. Chartrand, puis être encore à... on dirait que vous avez 60. C'est incroyable. Oui, ben c'est justement, tu viens de mettre le doigt dessus, là. Tu sais, dans notre vie, là, faut penser à une chose, on dort le tiers de notre vie. Oui. Alors, quand tu es rendu à 90, tu n'as juste 60, tu n'as dormi pendant 30. Oui, c'est vrai. C'est une bonne manière. C'est une bonne manière. Mais comment vous... Avez-vous un secret quand même? 90 ans, puis être encore à RDS, puis on dirait que vous avez 60 ans. Oui, monsieur, puis je suis signé pour encore un an. Hey, c'est bon pareil. C'est... Non, il n'y a pas de secret, je suppose. Puis pourtant, c'est pas dans mes gènes, parce que moi, je suis le plus vieux des deux familles du côté de mon père ou de ma mère. Okay. Alors, il n'y a jamais personne qui a atteint 90 de ce côté-là. Ouais. Fait que je sais pas pourquoi, là. Écoute, on va peut-être oublier. Le seul problème rendu à 90, c'est tu sais quoi? Non. T'as plus d'amis de ton âge. Oui, c'est vrai. Ils sont tous morts. Oui. Oui, oui. Ben, je parlais ça, avec. C'est grave problème. Avec Jacques Doucet, samedi, j'ai fait un entrevue avec Jacques Doucet parce que Tommy Lasorda qui est décédé vendredi. Oui, je l'ai vu lancer à Montréal avec mon père au stade Delorimier. Qu'est-ce qu'il lui a aimé? Oui, mais on va revenir sur la sorte d'homme. Mais je lui disais, tous ceux-là qui étaient nos vedettes, quand on était jeunes, moi j'ai 48 ans, sont tous en train de décéder. Trois la semaine passée. John Mucker, après ça, t'as eu la sorte d'homme. Et t'as eu également Paul Westphal. Ben, c'est sûr, ici, c'est moins connu la NBA, là, mais c'est quand même un phénomène pour les Suns de Phoenix. Phil Nicro durant le temps des fêtes. Ça meurt, c'est incroyable, là. Puis vous êtes en touché encore. Tu sais, quand t'es rendu dans les en haut de 80, il faut se comprendre, là. Là, tu commences, ton moteur commence à avoir des ratés, hein. Mais puis s'il n'y en a pas, ben tant mieux pour toi, mais attends-toi qu'une journée, là, tu vas me téléphoner, ça répondra pas, je suis mort. Je viens de s'éteindre. Rendu à mon âge, tu peux pas t'attendre. Il y a un avantage à avoir 90, il n'y a pas de demain. Faut que tu fasses tout aujourd'hui en cas que demain n'existe pas. Ça vient de s'éteindre. Mais vous l'avez vu lancer la sorda. C'est un phénomène, hein? Oui, monsieur, je comprends donc. Ça fait drôle, je me rappelle, il y avait Kurt Davis qui était là, Dan Bankhead, si je me souviens. Roy Campanella qui était le receveur. Le premier but, c'était Chuck Connor qui était The Rifleman à la télévision, si vous vous souvenez. Et puis, qui c'est qu'il y avait? Gino Cimoli sur la Après, j'ai vu Bréhard. Stan Bréhard, à l'heure glaise, étaient tous là. Okay. Jean-Pierre Roy. Oui, je sais que t'es un chum à Jean-Pierre Roy, ça je le sais, ce père. Ouais. Parce que ça faisait drôle, la Sorda, c'était le plus petit de tous les lanceurs qu'on avait. Okay. Il est pas grand, hein, Tom, la Sorda? Non. Et un excellent lanceur, surtout en relève. Ah oui. C'est un gaucher, je pense, hein? Oui, exactement. Si je me souviens. Oui, c'est ça. C'est un gaucher. C'est ça. Mais c'était vraiment un showman. Monsieur Chartrand, je reviens à vous. J'imagine que vous êtes un gars de pensée positive. Moi, écoute, t'es au lac, là, dans le moment. Oui. T'es au lac ou au Saguenay, là? Au lac Saint-Jean. Au lac Saint-Jean. Ah, c'est bon, vous faites la demande. Faites-moi le plaisir. Appelle-moi Jean-Paul. Appelle-moi Jean-Paul. Okay. Il n'y a rien que j'aille plus que d'être appelé monsieur. Jean-Paul, Jean-Paul. Vous devez sûrement être positif, parce que vous devez sûrement prendre la vie du bon côté pour être arrondi à votre âge, puis être vraiment là encore vif, encore en encyclopédie. Vous devez pas vous faire... vous devez prendre la vie vraiment du bon côté pour arriver à cet âge-là. Là. Écoute, j'ai toujours dit à tous les jeunes qui travaillent avec moi, ou n'importe quoi, moi, j'ai jamais travaillé une journée dans ma vie, OK, là? Okay. Pour moi, le sport à Tours, et premièrement, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de la lutte, j'ai fait à peu près tous les sports imaginables, la course à pied, n'importe. J'ai jamais été tellement bon, mais je faisais à peu près tous les sports. Okay. Puis quand j'ai quitté le collège, l'université, la même chose, j'ai tout de suite, ou presque, travaillé dans le sport. Fait que, en somme, je n'ai fait que mon AB. J'ai été payé pour mon AB tout au long de ma vie. J'ai jamais travaillé de ma vie. Jamais, je connais pas ça. Et pourtant, pourtant, là, surtout du temps du Montréal le matin, c'était 7 jours par semaine, puis je couchais où est-ce que mes culottes tombaient, parce que je savais jamais où j'étais pour me ramasser. Mais Jean-Paul, on va se le dire aussi, là, puis je faisais des entrevues durant le temps des fêtes, puis avec des gens, là, puis il me semble qu'on est né 15 ans trop tard, nous autres, pour les sportifs, pour ceux-là qui aiment le sport, là, il y avait les expos, il y avait les alouettes, les médias, les Canadiens, puis, les joueurs étaient plus accessibles, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Tu viens de mettre le doigt qu'on a, tu sais. Dans ce temps-là, un, il y avait de la place pour les jeunes, c'était dur de passer à travers là, la carapace, ouais. Mais il y avait des postes de radio, il y avait des journaux, il n'y avait pas de télévision, par exemple, mais il n'y avait pas non plus d'Internet. Mm. OK? Alors, les vieux journalistes comme moi, il fallait que tu aies ça dans ta cabouche, parce que si tu n'avais pas ça dans la tête, tu sais ce que tu veux. On avait un gars au Montréal le matin qui s'appelait Phil Séguin, le frère de Jean Séguin qui était Jean Séguin qui est analyste à Radio-Canada. Phil Séguin, était notre chef de pupitre, là. Ouais. Et Phil Séguin, c'était une sorte de dictionnaire Larousse. Tu disais, Phil, les Bruins de Boston en 1934, qui est-ce qu'ils ont affronté? Et Phil arrivait juste d'un coup, là. Ça sortait tout de suite. Il avait affronté les Rangers du New York qui les avaient battus en trois matchs. Un peu comme Jerry Rochon. La même chose, ou à peu près. Ouais. C'est à peu près la même chose. J'ai écouté Jerry Rochon, c'est un génie. Il y a du monde comme ça. Mm. Qui est-ce qu'il y avait? Camille Desroches avec le Canadien était comme ça. Mm. Jacques Beauchamp, t'as pas loin de ça. Mm. Ben moi, je me rappelle de M. Beauchamp, juste à la fin de sa carrière, il était avec Sport Mag à l'époque, avec Pierre Trudel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y avait une émission en fin d'après-midi, dimanche. Moi, je me rappelle juste de lui, mais il était vraiment, vraiment à la fin de sa carrière. Absolument, écoute, il était diabétique, ça, c'est fumeur le plus grave aussi. Problème que j'ai. Moi, c'est la même chose que lui, c'est diabétique. Il faut faire attention, mais si, tu sais, dans le moment, je te prépare un drink, fait que ça peut te donner une idée. Il fumait beaucoup aussi, je pense, hein? Pardon? Il fumait beaucoup aussi, je pense, hein? Ouais, moi aussi. J'ai arrêté, ça fait 31 ans que je fume plus. OK. Votre meilleur... Mais comment, aujourd'hui, là, quand vous voyez le média comme il était, le média qui est en crise, les médias sociaux, l'Internet, tout ça, comment vous réagissez? Vous dites-tu, j'ai vraiment eu la belle carrière où je suis vraiment arrivé au bon moment, ou encore vous dites... Chaque époque a ses forces. Vous m'aviez posé la question il y a 20 ans, je vous aurais dit, j'ai eu une belle carrière. Hier, j'ai eu une belle carrière. Aujourd'hui, j'ai eu une belle carrière. Je regarde nos jeunes au bureau, là, sont obligés de travailler à peu près la même chose que moi. Ils piochent pour être capables de passer, parce que, écoute, la compétition est forte. Mm. En plus de ça, faut pas oublier que ceux qui poussent en arrière, faut faire de la place pour eux autres. Tu sais, dans le moment, là, vous avez, vous autres, à Chicoutimi, pas loin de chez vous, là, vous avez peut-être la meilleure école de médias qui existe au Québec, OK? On les place où, ces gens-là? Radio-Canada n'en prend pas, Radio-Québec n'en prend pas. Là, il y a peut-être V qui va en prendre, qui s'appelle maintenant Nouveau, notre poste. Ouais. Télémétropole n'en prend pas, ni à LCN. Au contraire, ils mettent du monde dehors. Ouais. Nous autres, on ne peut pas en prendre dans le moment à cause de ce qui se passe. On fait quoi avec tous ces jeunes-là qui aspirent? La même chose que moi, j'aspirais quand j'avais 20 ans. Il y avait l'Internet, mais parce que l'Internet, il y a tellement de podcasts, il y a tellement d'émissions de radio, il y a tellement de... Si, on se perd là-dedans. Tu sais, j'ai Il faut rentrer dans ce groupe-là. Là. Mm-hmm. Va demander ça à tous tes jeunes que tu as, à votre école de médias, là, à l'université, et va leur demander comment c'est difficile passer des tests, passer des auditions. Mm-hmm. On peut pas imaginer. Alors, les problèmes qu'on avait dans mon temps sont aujourd'hui modifiés en fonction de l'évolution, mais c'est les mêmes problèmes qu'on avait. Ouais. Les salles de nouvelles étaient beaucoup plus grosses. Ah ben, écoute, juste au Montréal le matin, combien on était au sport? Je pense qu'on était pas loin de 45, 50, pas loin. Ah, écoute, c'était immense. La presse, la même chose. Le Journal de Montréal, ben le Journal de Québec, le Journal de Montréal est arrivé en 64, je pense. Attends un peu, moi j'ai travaillé au Journal de Montréal en 63. OK. 63, c'est arrivé pas au Royal à Montréal. OK, donc eux autres, ça devait être aussi 40-50 aussi. Pas au début, pas dans le temps que j'étais là. OK. On commence pas, écoute. Écoute, on vendait 17 000 copies par jour. Tu sais, je veux dire, écoute, comprenons-nous. Aujourd'hui, on parle du Journal de Montréal comme un monstre, un géant. Ouais. Mais moi, je l'ai connu quand c'était un embryon, tu sais. Ah, ouais, c'est ça. Hey, à côté de moi, là, le soir, là, quand on fermait le journal, là, c'était M. Péladeau qui était là avec son couteau, puis le kit au complet, puis on montait les pages. C'est sûr que moi, je... L'ado, là, je parle de... Aujourd'hui, c'est le fils, là, l'archi-riche, là. Mais dans ce temps-là, Péladeau travaillait avec nous autres, pareil comme s'il avait été un employé de la dernière heure. Et lui, il faisait le journal pour Le Monde. C'est que monsieur tout le ouais, monde... Mais... C'est que je pense pas que je regarde ce qui se passe à LCN des fois, là, puis à TVA, puis... Je pense pas que c'est fait pour monsieur le peuple, autrement dit. Ah, mais je dirais... J'ai l'impression que son le déterrain serait sur le ventre dans le moment, là. Monsieur Chartrand, je vous dirais, votre meilleur souvenir, c'est quoi? Oh, j'en ai tellement. Tout de bien, le rang de 80. Est-ce que vous avez votre plus gros souvenir? Je vais dire une affaire. La grande blonde de Chicoutimi était pas pire. Qui est, hein? Le meilleur souvenir, que je veux te dire. Ah, OK. Écoute, j'ai eu l'occasion de connaître Maurice Richard, j'ai connu Gordie Howe, j'ai connu tous les grands artistes, les premiers ministres, n'importe quoi. C'est difficile. Les gars qui m'ont impressionné, Jean Béliveau. OK. Énormément. On dit que Jean Béliveau. Jean-Yves Thériault en kickboxing. OK. Énormément. Des athlètes qui sortent de l'ordinaire. Tu sais, Henri Richard, qui était un de mes voisins. C'est qui a pour ça? Maurice, qui a travaillé pour moi pendant 8 ans, qui n'était pas facile, tout aussi pire en dehors de la glace qu'il était sur la glace. Ouais. Hein? Ouais. C'était pas facile. Mais c'était. Non, c'est les meilleurs souvenirs. Avez-vous sorti votre plus gros coup? C'est quoi des exclusivités? Qu'est-ce que c'était, non? Qu'est-ce que c'était? C'était une affaire des alouettes. Non, mais j'en ai eu une coupe, fait que. OK. Qu'est-ce que c'était? Non, je m'en rappelle pas. Bon, OK. Dans ce sens-là, là, je me casse même pas la tête. Ben non, c'est sûr. Vous faites bien aussi. Puis j'imagine que le fait que vous travaillez, le fait que vous aimez encore ce que vous faites, ça doit vous aider aussi à bien vivre. Tu sais, on dit la vieillesse, ça doit pas vous... Vous devez même pas sentir, vous. Hey, écoute, c'est Félix Leclerc qui a dit qu'un homme qui travaille pas devrait mourir. Ouais. Tu sais, moi, je peux pas m'imaginer, ça dépend. Tu sais, un gars, là, par exemple, qui a été médecin pendant 40 ans, un gars qui a été dans la police pendant 30 ans, tu sais, des jobs écœurantes, des jobs difficiles où tu es obligé d'aller sur la ligne de feu, puis même si tu sais que ça, c'est droit, c'est de même que ça devrait marcher, ça marche pas. Tandis que nous autres, on a un avantage. Comme journaliste, on dit, c'est ça. Là, si quelqu'un veut absolument aller contre toi, qu'il prouve le contraire. Effectivement. Tu vois pas. Quand est-ce que tu as vu un journaliste lâcher un job? Ben, c'est sûr qu'avec un bon salaire, vous avez c'est une... très rare, hein? Ouais. Très, très rare. Les gars restent jusqu'à temps, ben, comme moi. Là, on envoie TVA de Saint-Cite qui lâche. Regarde de Bertrand Raymond, regarde de ces gars-là. Yvon Pedneau, c'est pas des enfants d'école. Jean Tremblay qui est rendu à quoi? Il est rendu à 75. Jean, on n'en parle même pas, là, lui, là. Ouais. Il tient après les cheveux. Ouais. Monsieur Chartrand, Saint-David de Falardeau. Je voulais vous faire un coucou puis je voulais vous féliciter encore pour 90 ans. Vous êtes encore très vif. Moi, je vous trouve vraiment bon. Bravo, félicitations. Salut toute ma gang d'amis là, que j'ai dans le Saguenay, dans le lac Saint-Jean. Dans le lac Saint-Jean, puis vous faites la grosse différence. Joseph Dalma, tu sais. Nous, c'est Dolbeau-Missassigny, donc faites la grosse différence entre le Saguenay puis le lac. Ça, c'est important parce que les gens de Montréal, ça n'a pas tout ça. C'est quasiment deux régions dans une en passant. Ah, définitivement, vous autres, vous êtes séparés d'à peu près depuis 40 ans. Ouais. Et vous êtes en avance sur nous autres, c'est ça qu'il y a. Monsieur Chartrand, merci beaucoup pour ce repas. Ça fait plaisir, voilà. Voilà Jean-Paul Chartrand, seigneur, qui fête son 90e anniversaire aujourd'hui.